Bosco Douiman. Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous dans ce journal, la grande édition de ce 19 novembre 2018. En voici les grandes articulations. Les recettes fiscales ont sensiblement augmenté depuis que l'on a commencé à célébrer la journée nationale du contribuable en 2018. Le commissaire général de l'Office burundais des recettes a indiqué que les impôts et taxes sont passés de plus de 130 milliards de francs burundais en 2016 à plus de 750 milliards de nos francs en 2017, soit une augmentation de plus de 120 milliards de francs burundais. Dans un point de presse ce lundi, Oda Asiniyonzima a également recommandé aux acheteurs d'exiger la facture des produits achetés et aux commerçants de la délivrer pour éviter toute tricherie dans le calcul de la TVA. Et c'est la journée mondiale des toilettes. En mairie de Bujumbura, le chargé de la salubrité dit que des inspections se font pour voir si notamment certains lieux publics comme les bars et restaurants possèdent des lieux d'aisance. Et l'Union africaine a adopté ce dimanche un nouveau barème de sanctions contre les mauvais payeurs dans l'organisation. Un sommet extraordinaire des chefs d'État s'est clôturé hier. Vous en aurez les détails dans ce journal mis en onde par Toussaint Mitevoti. Je venais de vous le dire, depuis le début de la célébration de la journée nationale du contribuable en 2018, les recettes des taxes et impôts ont sensiblement augmenté au sein de l'Office burundais des recettes. Le commissaire général de l'OBR a indiqué que les impôts et taxes sont allés de plus de 130 milliards de francs burundais en 2016 à plus de 750 milliards de nos francs en 2017. Le commissaire général de l'OBR l'a dit ce lundi lorsqu'il annonçait que la journée du contribuable sera célébrée le 5 décembre prochain au chef-lieu de la province Makamba. On écoute Oda Asiniyonzima. De manière générale, nous pouvons dire que le public burundais se conforme de plus en plus au civisme fiscal et à leurs obligations fiscales si on tient compte des recettes qui sont collectées, ne fût-ce que sur les deux dernières années. Vous noterez par exemple que depuis 2017-2018, les recettes n'ont cessé d'augmenter. 2015, 2016, 2017, 2018, chaque fois les recettes sont en augmentation. Donc ça c'est un signe qu'il y a de plus en plus de conformité fiscale. Mais aussi le nombre de contribuables qui sont enregistrés et qui est aussi en constante augmentation. Donc les recettes par exemple de 2016 à 2018 ont augmenté 18%. On est passé de 637 milliards à 754 milliards en 2017. Et nous comptons atteindre plus de 800 milliards en 2018. Donc, vous voyez que c'est une augmentation significative qui ne peut résulter que de la conformité fiscale. Le commissaire général de l'OBR demande également aux contribuables de délivrer la facture et aux acheteurs de l'exiger pour éviter toute tricherie. Et c'est au moment où certains vendeurs se cachent derrière cette habitude pour ne pas payer la taxe sur la valeur ajoutée TVA en sigle. Oda Asiniyonzima précise que des récidivistes seront sanctionnés conformément à la loi. Le refus de délivrer la facture, si un vendeur refuse de donner la facture ou demande au contribuable s'il faut délivrer ou pas la facture, ça, ce n'est autre chose qu'une tricherie. Parce qu'en ne délivrant pas la facture, il y a la taxe, la TVA qui devait être mentionnée et qui devrait en définitive être collectée par l'OBR et qui est dissimulée et dans ce cas qui rentre dans la poche du vendeur. Donc l'appel que je lancerai à tous les contribuables, et en particulier à tous les opérateurs économiques, à tous les commerçants, c'est de se conformer à la loi. Parce que la facture est inscrite dans la loi budgétaire 2018-2019. Donc si on ne délivre pas la facture, c'est une infraction. C'est une infraction et dont la punition aussi est, la sanction est prévue dans la loi. Donc je vous ai dit que si vous êtes attrapé en train de délivrer des marchandises sans accompagner la facture, il y a une sanction de 20%, une amende de 20% qui est appliquée. Donc 20% de la valeur des biens livrés et qui est appliquée au vendeur. Et là, on essaie de vérifier s'il n'y a pas d'autres transactions qui auraient été délivrées sans facture. Donc la sanction peut être plus que ça. Oda Asiniyonzima, commissaire général de l'Office burundais des recettes, OBR, dont les propos ont été recueillis par Évariste Nzikobanyanga. Et pour être un peu plus complet sur ce dossier, sachez que le thème de l'année 2018 est « Renforcer la bonne pratique de donner et d'exiger la facture ». Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit, le monde célèbre ce lundi la journée dédiée aux toilettes. Et c'est bientôt la fin des grognes de la population qui se plaint de ne pas trouver des latrines publiques comme au commissariat communal de police et sur le terrain de basketball au chef-lieu de la province Ngozi. L'administrateur de la commune Ngozi indique que les latrines construites par le projet d'assainissement du lac Victoria il y a presque une année dans différents endroits du chef-lieu de la commune Ngozi vont prochainement ouvrir leurs portes. Apollinaire Muzagara. Ces latrines publiques éparpillées au chef-lieu de la province Ngozi ont été construites par le projet Lake Victoria Water and Sanitation LVWASAN en cycle, projet d'assainissement de ce lac. Ces latrines ont été érigées dans des endroits très fréquentés par le public, mais les bénéficiaires de ce projet s'étonnent du fait que ces locaux restent toujours fermés après plus d'une année de clôture des travaux de construction. En ville d'Ngozi, ces locaux se rencontrent au stade de football de Muremera, à celui de basketball du quartier Gabiro, au bureau de la police judiciaire et ailleurs, aux services des lieux à forte affluence de la population, chose confirmée par l'administrateur de la commune Ngozi. Son Gambéré Lajab indique qu'une réunion de validation dans laquelle participeront tous les intervenants est prévue ce mardi pour voir si tout le nécessaire pour la réception de ces locaux est sur place. Cela se dit au moment où ce lundi est dédié à la journée mondiale des toilettes. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et Amérite Bujumbura, le chargé de la salubrité, renseigne que d'une façon générale, l'on fait des inspections là où se rencontrent des grands publics, comme dans les bars et restaurants. David Ndaïzeye dit que les responsables procèdent à des sensibilisations pour que les lieux d'aisance soient bien entretenus, mais aussi en cas de besoin, on procède même à des sanctions. Mais au niveau des ménages, la situation est généralement bonne. Suivez-le. On ne peut pas parler en détail au niveau des ménages, mais ce que je pense, c'est que tous les ménages possèdent des toilettes. Mais d'une façon générale, nos agents dans toutes les zones font des descentes, d'inspection au niveau des bars et des restaurants, en complémentarité des services de la santé. Mais si j'essaie de donner avec précision tous les bars qui ne possèdent pas des latrines, on crée des sanctions comme la fermeture ou donner des conseils. Pour améliorer la situation d'hygiène. Au niveau de l'ancien marché de Bujumbura, il s'observe en tout cas un niveau de salubrité qui n'est pas bien amélioré aujourd'hui. Autour de l'ex-marché central, ce que nous savons, il y a des blocs de latrines qui ont une convention avec la municipalité. Donc, pour avoir de l'argent dans l'entretien de ces toilettes, les propriétaires de ces toilettes exigent le paiement d'une certaine somme à des personnes qui voulaient aller sur ce agent. Des observations ne manquent pas, puisqu'il y a des enfants de Loiri qui se cachent pendant les heures très avancées. Et ça peut se remarquer, mais il y a des agents qui nettoient rapidement. David Ndaïzeye, il est chargé de la salubrité en mairie de Bujumbura. Il était au micro de Léonce Huitariho. Les chambres froides de la morgue de l'hôpital régional de Gitega sont en panne depuis un peu plus de mois maintenant. Les malades qui meurent dans cet hôpital sont alors soit enterrés sans tarder, soit leurs corps sont acheminés dans des morgues pourvues de chambres froides encore fonctionnelles des autres provinces comme Karouzi et Muramvia, ce qui exige un certain coût. Les habitants de Gitega et les personnes qui font soigner les leurs à l'hôpital régional de Gitega réclament la réparation immédiate des chambres froides du hôpital. Gérard Nibigira. Il y a environ 5 ans que la morgue de l'hôpital régional de Gitega est dotée de chambres froides. Cela avait fait que les corps des malades décédés à cet hôpital soient temporairement gardés dans ces chambres froides, permettant ainsi aux familles des défunts de préparer convenablement les cérémonies d'enterrement. Toutefois, il y a un peu plus d'un mois que ces chambres froides sont en panne. Sur son, une famille de l'océan meurt à cet hôpital et contrainte de l'enterrer sans tarder ou alors elle doit acheminer son corps dans des morgues pourvues de chambres froides encore fonctionnelles situées dans des hôpitaux des provinces Karoussi et Muramvia ou même ailleurs. Les familles qui ont récemment perdu le leur à l'hôpital régional de Gitega, avec qui nous sommes entretenus, ont laissé entendre qu'acheminer encore dans une morgue d'une autre province exige un montant non négligeable. Ainsi donc, les habitants de Gitega et ceux qui souvent soignent le leur à l'hôpital régional de Gitega demandent à la direction de cette structure de soins de faire tout son mieux pour que ces chambres froides soient réparées le plus tôt possible. À propos, le médecin directeur de l'hôpital régional de Gitega, Dr Ndouimana Jacques, fait savoir qu'il a déjà informé le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le VIH-Sida sur ce problème. Il souligne également que des procédures de sa résolution sont déjà entreprises, sans toutefois fixer les délais. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Toujours dans les nouvelles des provinces, le ministre de l'Agriculture, Élevage et Environnement recommande aux administrateurs communaux de respecter la loi dans la distribution du bétail à leur population. C'est le contenu de la lettre que le ministre Deogui Derurema a adressée à l'administrateur communal de Ouhiga, dans la province Karouzi, la semaine dernière. Il indique qu'une commission d'experts va être envoyée incessamment dans cette commune pour l'examen de santé des vaches et chèvres qui ont été achetées pour la population avant leur distribution aux bénéficiaires. Cependant, ces bêtes ont été distribuées malgré l'interdiction de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage. Blaise Pascal Kararoumié, correspondance. Le ministre de l'Agriculture, Élevage et Environnement indique que pour distribuer les animaux chez les bénéficiaires, ces animaux doivent d'abord être examinés, qu'ils ne sont pas atteints de maladies réputées contagieuses, avoir des résultats de laboratoire attestant la santé des bovins et que les caprins devraient être vaccinés contre la peste des petits ruminants. Cela est contenu dans la lettre que le ministre Deogui Derurema a adressée la semaine passée à l'administrateur communal de Ouhiga en province Karoussi, lui promettant l'envoi d'une équipe d'au moins trois experts, qualifie le ministre, experts de la Direction générale de l'élevage pour examiner 45 vaches et 445 chèvres avant d'être distribuées chez les bénéficiaires. Cependant, ces bêtes qui ont été achetées par la commune de Ouhiga dans les 500 millions de l'État que l'État accorde à la commune pour le développement ont été déjà distribuées dans les 7 collines concernées chez les bénéficiaires. Cela a eu lieu au début de ce mois, trois jours après que le directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement dans la province Karoussi ait pris la mesure de suspendre cette distribution et l'administrateur Efrazina Karoutimana a expliqué que cela a été motivé par le fait que les bénéficiaires se seraient révoltés. Dans cette lettre, le ministre recommande à l'administrateur communal que chaque fois qu'il y a un programme de diffusion des animaux, il faut impliquer les services techniques du ministère dès la conception jusqu'à la diffusion de ces animaux. Il exige aussi une autorisation du ministère avant l'embarquement et la distribution. Donc on se demande alors ce qui va se faire réellement avec l'envoi de cette équipe des experts pour ces animaux qui sont déjà chez les bénéficiaires. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Et pour que l'aide destinée au secteur de l'enseignement puisse produire des effets, il est indispensable de faire l'état des lieux de la situation dans ce secteur. C'est du moins ce que pense Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem. Après que le partenariat mondial pour l'éducation ait accordé une aide de plus de 20 millions de dollars au système éducatif burundais à travers l'Agence française de développement. Selon lui, la non-maîtrise de la démographie est l'un des défis auxquels fait face l'enseignement au Burundi. Je vous propose de l'écouter. Le secteur de l'éducation a eu des problèmes d'abord liés à la croissance démographique qui n'a pas été maîtrisée. Le Burundi a une croissance démographique très élevée en taux de fécondité par femme, d'environ 7 enfants par femme. Et donc, il y a les besoins en éducation qui augmentent alors que le budget ne suit pas. Il y a une discordance entre la croissance de la population et la couverture des besoins en éducation. Ça, c'est réel. Mais dans le temps où il y avait le Fonds commun de l'éducation, sa contribution vraiment ne parvenait pas à bien suivre pour couvrir les besoins en éducation, pour garder un bon standard au niveau de la qualité de l'éducation. Deuxièmement, c'est la réforme de l'éducation avec l'introduction de l'école fondamentale qui n'a pas été bien maîtrisée, bien étudiée, bien conçue. Les moyens n'ont pas été engagés à la hauteur des exigences de la réforme. Et ça a créé un mélange de l'ancien système et du nouveau non encore achevé, difficile même à gérer, qui a donné des conséquences incalculables. Et aussitôt, la réforme démarre et le pays plonge dans une crise politique qui a justement, encore une fois, réduit la capacité du gouvernement par rapport au financement de l'éducation. Si on consulte même le budget de l'éducation, et depuis 2014, le budget de l'éducation est arrêté décrescendo. Donc, nous disons que cette contribution vient à point nommé, mais toujours est-il que avoir les besoins immenses de l'éducation au niveau de la construction des écoles, au niveau de la qualité, au niveau du matériel didactique, matériel scolaire, l'équipement des écoles de métier, avoir aussi ce constat, mais où il y a une insuffisance, l'insuffisance des enseignants, alors que le gouvernement ne parvient même à les embaucher. J'imagine que pour que cette situation change, il faut d'abord avoir un état des lieux bien précis, sans complaisance, pour voir les besoins d'éducation. On craint de le faire, mais nous avons des besoins immenses. Faustin Dikoumana, président de l'organisation PARSEM. Et puis, les enfants de l'ethnie Batwa de la colline Nyarugunda, en commune Gashikanwa de la province Ngozi, réclament du matériel scolaire afin qu'ils puissent aller à l'école, comme confirmé par Laurent Nyabenda, chargé du développement parmi les 5 élus collinaires. Une quarantaine d'enfants sur cette colline ne sont pas à l'école par manque de matériel. Ils regrettent que des listes des enfants sans matériel ont été dressées par les responsables, dont l'association des Batwa Uniproba, mais ne leur ont rien donné. Eli Nibel, Nibigila, reportage. Cet enfant qui réclame le retour à l'école est originaire de la colline Nyarugunda de la colline Gashikano en province Ngozi. Il dit avoir manqué de matériel scolaire après avoir accédé en 3e primaire et a dû abandonner. Il témoigne rester à la maison toute la journée. Une autre fille de 17 ans a abandonné l'école en 6e année après être tombée malade et le peu de cahiers qu'elle avait reçus ont été volés. Elle affirme que si elle recevait le matériel scolaire, elle reprendrait l'école. J'ai manqué le matériel pour aller à l'école comme j'étais maladive. C'est ce qui a provoqué que j'échoue en 6e année. On m'a volé même les cahiers que j'avais et je n'ai pas pu avoir d'autres. Si je pouvais avoir les matériels scolaires et de quoi manger, je pourrais rejoindre le banc de l'école. Laurent Nyabenda, chargé du développement parmi les 5 élus collinaires de Nyarugunda, que même s'il y a ceux qui sont à l'école, près de 40 enfants ne sont pas scolarisés par manque de moyens et de quoi mettre sous la dent. Parmi ceux qui restent, il y a ceux qui n'étudient pas et ceux qui étudient. Même eux n'étudient pas bien à cause du manque des moyens. Nous les Batwa, nous sommes pauvres, nous ne trouvons pas du matériel scolaire. Quand un élève va à l'école sans matériel complet, on le renvoie. En plus, étudier avec la famine, c'est difficile. Non, on ne donne pas pour le moment. Depuis la rentrée scolaire, on n'a rien donné. Cet élu collinaire indique qu'ils se sont adressés aux responsables administratifs mais sans succès. Il regrette que des listes des enfants Batwa sans matériel ont été élaborées mais n'ont rien donné. Dans ce site de Batwa de Nyarugunda, un seul élève a pu terminer l'école secondaire depuis la création de ce site. Eli Nibel Nibigira et l'association de protection des droits des Batwa Uniproba dit être incapable de mettre tous les enfants Batwa au banc de l'école. Nengo Emmanuel, le président de cette association, demande au gouvernement de mettre en œuvre les projets facilitant la scolarisation de ces enfants. Et pour terminer ce journal, les sanctions ont été durcies contre les États qui tardent à payer ou ne payent pas du tout leur contribution au sein de l'Union africaine. Cela constitue une des principales réformes adoptées lors du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est clôturé ce dimanche. Lors de ce sommet, l'UA a adopté un nouveau barème de sanctions qui pourra aller jusqu'à la suspension de la participation d'un État aux travaux de l'institution. Oba Niyongur. Dans une conférence de presse animée par le président de la Commission de l'Union africaine à la clôture de ce sommet, Moussa Faki Mahamat a dénoncé la réticence de certains États dans le paiement de leurs contributions. À un mois de la clôture de l'exercice budgétaire, il a indiqué que l'Union africaine n'a déjà perçu que 50% des contributions des États, ce qui constitue un handicap à son fonctionnement. Pour remédier à cette situation, l'Union africaine a adopté un nouveau barème de sanctions qui pourra aller jusqu'à la suspension de la participation d'un État aux travaux de cette institution. Pour éviter que le budget de l'Union africaine ne soit dépendant d'un petit nombre de donateurs, il a été proposé que les contributions des 5 principaux donateurs devraient être limitées à 40% du budget, tandis qu'aucun État ne devrait contribuer pour moins de 200 000 dollars annuellement, écrit Jeune Afrique sur son site. Les chefs d'État ont acté le principe de ramener de 10 à 8 le nombre de commissaires. Selon les calculs de la Commission, cela devrait permettre d'épargner chaque année près de 500 000 dollars. Leur mode de sélection a aussi été revu. Le président de la Commission sera toujours élu par les chefs d'État, mais ses commissaires, eux, le seront par les ministres des Affaires étrangères. Oben Niyonguru, c'est sur ces nouvelles de l'Union africaine que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également, merci à Toussaint Mitewotsi pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Nduimana, passez un très bon après-midi.